avions eu du courage, nous aurions rattrapé le temps, la Sahara. Bande des mirages qui colonisent le printemps. Nous aurions fait trois tours de lune sur les vaisseaux d'ombre et de pluie avec la caresse des dunes et la splendeur de quelques nuits. Il nous a manqué l'étincelle d'adiéter à tout déchirer. Le voyage a brûlé ses ailes et je me suis mis à pleurer. Car je rêve d'une autre route, l'alchimie des plus beaux poèmes. Redonne espoir à la déroute comme un matin de café crème. Mais l'horizon m'échappe encore, l'horizon rouge, rouge sans mes délires. Sont indolores comme le vol des oiseaux blancs. Il nous a manqué cette étincelle.